chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve avec Mathieu Caron. Salut Mathieu. Salut Ami. Mathieu, il y avait 3 matchs au programme au cours du week-end, dont 2 impliquant aux équipes du multiconcessionnaire. Et pour l'équipe de Gérard Leclerc, ça a été une fiche de 5-5. On a gagné 8-3 à Forestville, mais ils se sont fait laver contre Charlevoix à Clermont. Ouais, ben probablement que dimanche, ça a peut-être été un peu plus difficile pour Dolbeau, étant donné une fin de semaine sur la route comme ça. Il était en plus un alignement minimum également. Donc, mais je confie que l'équipe de Dolbeau va pouvoir se reprendre là, dans les prochaines semaines. OK. Et dans l'autre match qui était au programme, quel autre match qu'il y avait? On avait vendredi, c'était le MGM Express qui visitait Charlevoix. C'était un match qui était vraiment un bon match de hockey encore une fois. Ça a fini en prolongation par la marque de 5-4 pour le MGR Express. Donc, c'était vraiment un bon match à ce niveau-là. OK. Donc, en fin de semaine, il se passe quoi? En fin de semaine, seulement un match au programme. Jonquière visite Dolbeau au centre sportif de Dolbeau. Ouais. Donc, c'est le seul match-là. À l'horaire, là, c'est une fin de semaine de break pour Haute-Côte-Nord et pour Charlevoix. OK. Dis-moi maintenant, il y a les étoiles de la semaine, la Ligue du Lac-au-Fleuve, qui ont fait connaître les étoiles de la semaine. Effectivement, la première étoile, c'est Alexandre Larouche des Éclairs de Charlevoix. Alexandre a quand même réussi un bel exploit en marquant 6 buts dans toute sa fin de semaine. Donc, 2 tours du chapeau. Donc, c'est vraiment là, vraiment un exploit là, pour Alex à ce niveau-là. La deuxième étoile, c'est la Christopher Dallaire qui était avec une fiche, je crois, de 1 but, 2 passes. Et la troisième étoile, Alexandre Mailloux, encore de Charlevoix, qui ramassait la troisième étoile. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Mathieu? Exactement. Donc, on s'en reparle jeudi prochain. Voilà, c'était la chronique de la Ligue du Lac au Fleuve avec Mathieu Caron. Merci.